samedi 3 novembre, 20h. Le multiconcessionnaire de Delbault-Mistassini reçoit la visite des excavations à Savard de la Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Delbault. Prix du billet, seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multigo! Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Delbault vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Delbault-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Grosse semaine dans la NCAA, on en parle avec notre ami du site internet leblitznfl.com, Wallet. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Oui, si vous avez une fin de semaine, une des fins de semaine à regarder, vous ne regardez pas toute la NCAA toutes les semaines, et vous voulez en regarder un en fin de semaine avec des attentes vraiment incroyables, ou encore des enjeux, c'est le mot que je cherchais, des enjeux très importants. Ben, c'est en fin de semaine qu'il faut que vous regardiez parce qu'il y a d'importants matchs, surtout dans la SEC. On a Wallet, effectivement, c'est peut-être avec le match final de la SEC, la grande finale qu'on va voir au mois de décembre, début décembre. En fin de semaine, ça va vraiment se décider là. Parce que tu regardes les match-ups qu'il y a Alabama contre LSU et Kentucky qui va affronter Georgia. Ça, c'est très, très, très important. Dans les deux cas, je pense que les gagnants vont rester dans une lutte pour les éliminatoires et le perdant risque de se sortir. Effectivement, puis c'est rare qu'on voit ça, c'est rare qu'on voit Kentucky être aussi hautement classé, mais comme tu viens de l'expliquer, les deux équipes s'affrontent à 3h30 sur CBC, puis plus tard durant la soirée, CBS. Puis plus tard durant la soirée, à 8h sur CBS, encore une fois, ça a été Alabama contre LSU. Puis tu viens de mentionner les deux matchs, et deux matchs super importants. Les deux équipes qui vont sortir gagnantes de ces duels-là devraient, en toute logique, s'affronter dans le match final de la SEC au début décembre. Donc, très, très gros enjeu. Je pense que si vous suivez un petit peu la NCAA, vous avez entendu parler d'Alabama puis LSU énormément, mais il faudrait certainement pas fermer les yeux sur Georgia et Kentucky qui s'affrontent en milieu d'après-midi. Kentucky qui connaissent une saison tout simplement remarquable, avec leur porteur de ballon, Benny Snell, qui est un des meilleurs au pays en défensive. Ils ont un des meilleurs linebackers en la personne de Josh Allen. Ils reçoivent en plus Georgia, donc ça sera pas un match facile pour Georgia, là, qui ont connu un petit peu d'embûches dans les dernières semaines. Moi, si j'avais à parier pour le match de la fin de semaine, même si Alabama et LSU, c'est 1-3, je pense que Georgia-Kentucky, il ne faudrait vraiment pas fermer nos yeux là-dessus. Non, effectivement. On va y aller avec le match entre Alabama et LSU. Alabama qui, son premier, dans les 10 derniers matchs entre Alabama et LSU, je pense qu'Alabama en a gagné 7. Au-delà de 54 points d'attaque en moyenne Alabama contre LSU. Et LSU, par contre, défensivement, sont excellents. Par contre, le match est en bâton rouge, donc c'est en Louisiane. Le fait qu'ils ont gagné 7 des 10 derniers matchs, c'est-tu un avantage? C'est-tu le fait que LSU joue à la maison? Par contre, ça peut aider LSU? C'est sûr. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a environ un mois, vous parlez là, du fameux match là, à Penn State, entre Ohio State et Penn State, dans le White House, quand que tout le stade est en blanc. Un match, un samedi soir, à LSU, contre un rival comme Alabama, c'est tout aussi incroyable. La foule va être déchaînée. Ça sera pas facile. Ça va être difficile pour Alabama avec toutes ces fans-là. Ceci étant dit, le capitaine, le meneur en défensive de LSU, celui qu'on voit sur tous les jeux de la défensive, je parle bien ici de Devin White, le jeune homme va être suspendu pour la première demi de ce match-là. De la manière que ça fonctionne dans la NCAA, c'est que si tu es comme d'une punition pour targeting, ce qui est un coup à la tête avec ta tête, si ça arrive dans la première demi d'un match, tu es suspendu pour le reste du match. Ça arrive en deuxième demi, tu es suspendu pour le reste de ce match-là, puis la première demi du match suivant. Donc, Si Alabama a à dominer ce match-là, moi, je serais pas surpris qu'ils commencent très, très fort parce que LSU aurait de la difficulté à synchroniser sur le terrain sans leur meneur, puis Alabama ne regardera pas derrière eux. Ce qui va être aussi très intéressant à surveiller, c'est le corps arrière, Tua Tagovailoa, le jeune homme qui connaît une saison incroyable avec 2000 verges, j'ai dit, 25, 2, probablement 25 touchés, aucune interception. Depuis le début de la saison, Tua n'a pas joué une fois au quatrième quart. Il est toujours sur le banc rendu au quatrième quart puisque l'équipe a tout simplement une trop grosse avance pour risquer les blessures. Donc, ça va être intéressant de voir si le match est serré, comment il va se débrouiller dans un match où il se doit de jouer là, les quatre quarts complets. OK. Donc, c'est le gros match. L'autre gros match, on l'a mentionné. C'est à 15h30 sur CBS, toujours Kentucky. Lorsqu'on parlait de Kentucky dans l'NCAA, moi, j'avais toujours le programme de basketball qui, année après année, avec Rich Pitino, c'était également de grands entraîneurs, sont toujours dans le top 25. Mais Kentucky, ce n'est au football, ont un bon programme. D'ailleurs, ils sont dans le top 10. Donc, eux aussi sont en lutte pour les éliminatoires. Effectivement. Donc, ça, c'est le gros match aussi. Il y a un autre bon match qui va être dans le Big Ten. Ça, c'est à 15h45, samedi. Penn State contre Michigan. Là également, le gagnant reste en éliminatoire. Possibilité d'être éliminatoire et le perdant, sans, et lui va jouer dans un bowl, mais dans un bowl moins prestigieux, mettons. Ouais, je te dirais qu'au niveau de Penn State, là, si Penn State devait gagner ce match, ils vont avoir besoin de beaucoup d'aide devant eux s'ils veulent être en mesure de se qualifier dans le top 4. Avec leurs deux défaites actuelles, ça sera pas facile. Puis pour être bien franc avec toi, même si je m'attends à un bon match, je m'attends pas à un match des plus excitants pour la simple et unique raison que Michigan joue tellement bien depuis les dernières semaines. Leur défensive est tellement dominante. Puis au niveau de Penn State, leur problème qu'ils ont cette année comparativement à l'an passé, c'est que l'an passé, on donnait souvent le ballon à Saquon Barkley qui faisait des miracles sur le terrain. Puis quand on ne savait pas de Saquon, tu avais Trace McSorley qui faisait des petits miracles à sa façon lui aussi. Cette année, on n'a plus Saquon Barkley, puis on voit vraiment là, que Trace McSorley est laissé à lui-même. Donc, si Michigan sont capables de stopper McSorley en défensive, je pense que ça devrait être un match relativement facile pour les Wolverines, d'autant plus qu'ils évoluent à la maison là, pour ce duel-là. Okay. Ailleurs, maintenant, il y a d'autres matchs? Je te dirais que West Virginia contre Texas à 15h30 sur Fox, ça aussi c'est un match qui est assez important. Là, en ce moment, les deux équipes se battent un peu pour la deuxième position dans la Big 12. La Big 12, comparativement aux autres conférences de la NCAA, ils sont pas divisés en deux divisions. Donc, toutes les équipes se retrouvent sous le gros parapluie là, que je pourrais utiliser comme terme, là, le gros parapluie de la Big 12. Puis en ce moment, dans le fond, c'est une lutte à trois équipes entre Texas, Oklahoma puis West Virginia. Donc, le gagnant de ce match-là devrait très bien se positionner pour aller au match final début décembre. OK, OK. Donc, c'est des matchs qu'il faut surveiller en fin de semaine. Wallop, très intéressant. Ouais. On t'invite à aller sur le site leblitznfl.com. Tantôt, on va parler avec ton collègue Tony Guzzo. Wallop, on s'en reparle. Merci, Danny. Bonne semaine. Voilà, Wallop, du site leblitznfl.com.